One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Au ba'd, frères et sœurs en islam, on continue toujours avec le tafsir de surat An-Najm, la sourate à l'étoile, et toujours avec cette ayah numéro 32, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des péchés majeurs et des fawahish, des turpitudes, de Al-Lamam, qu'Allah azza wa jalla, il pardonne de son pardon. Et aussi Allah azza wa jalla nous parle de la faiblesse humaine. Et à la fin de la ayah, Allah azza wa jalla, il dit « فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى » Ne vous faites pas votre propre tazkiyah. Allah ta'ala, c'est lui qui connaît le plus qui est muttaqi, qui a la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui craint Allah azza wa jalla véritablement. Alors, فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ comme on l'a déjà mentionné, tazkiyat al-naf, c'est lorsque quelqu'un va se vanter de ses bonnes œuvres ou quelqu'un va s'innocenter, va prétendre être un très bon croyant, personne pieuse ou autre chose. Alors les ulama ils disent fihi tahdhirun lil mu'minina min al-'ujb bi a'malihim al-hasana 'ujban yuhdithuhu al-mar'u fi nafsihi aw yudkhiluhu ahadun 'ala ghayrihi bi-thana'i 'alayhi bi-'amalihi. Dans cette ayah, il y a un avertissement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse aux croyants pour qu'ils ne tombent pas dans al-'ujb. C'est quoi al-'ujb? La complaisance. Oui, très bonne définition, très bonne traduction. Donc, al-'ujb, c'est lorsque quelqu'un est trop content, bien content par son état. On dit al-'ijab, c'est le fait d'être émerveillé par quelque chose. U'jibtu bi hadha al-amr. A'jabani, quelque chose que j'aime bien, j'apprécie bien cette chose. Ça peut être quelque chose d'externe. Mais l'i'jab ou bin-nafs, c'est une certaine complaisance. Ça veut dire, je suis émerveillé par moi-même ou par mes actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit contre ça. Alors ça, c'est parmi les maladies du cœur. C'est parmi les choses qui menacent le cœur de, encore une fois, se penser être trop bien, être trop content par ses bonnes œuvres, trop satisfait de ses bonnes œuvres, ou de causer ça à autrui, à un autre croyant, encore une fois, en faisant un certain excès de louange. On peut faire certains niveaux raisonnables de louange dans le besoin, mais avec justice et de façon quoi raisonnable. Mais dès que ça commence à être trop, là, on va commencer à causer la corruption du cœur de cette personne, si la personne, bien sûr, ne va pas se protéger contre cela. وَيَشْمَلُ ذَلِكَ ذِكْرَ الْمَرْءِ أَعْمَالَهُ الصَّالِحَةَ لِلتَّفَاخُرِ بِهَا أَوْ إِظْهَارِهَا لِلنَّاسِ أَوْ إِظْهَارَهَا لِلنَّاسِ. Et aussi, dans ça, ça inclut l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous interdit de, en général, montrer nos bonnes œuvres ou en parler aux autres avec l'intention de se vanter, de montrer ma patience, de montrer ma piété, ma volonté. J'ai fait une longue salate hier. J'ai récité le Coran pendant 3 heures sans arrêt. J'ai même pas ressenti le temps comment c'est passé, tellement j'étais khushu'. Ça c'est quoi? C'est se vanter de ses bonnes œuvres ou de les montrer, faire ria, l'ostentation. وَلَا يَجُزُ ذَلِكَ. Et ça c'est interdit. إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهِ جَلْبُ مَصْلَحَةٍ عَامَّ. Sauf si dans cela il y a un avantage, un bienfait qui peut être apporté aux autres. Un avantage clair et évident. Qui pourrait nous citer un exemple? Afwan? Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, tayyib. Lakin juste un exemple de la vie de tous les jours qui peut s'appliquer à toute personne, sans que ce soit nécessairement lié à une personne. Pour encourager les autres. Ok, donc ça peut être parmi les masalih, ça peut être pour encourager, ça peut être pour raffermir les croyants. Ça peut être parfois aussi pour montrer la izza, la force de l'islam, montrer les bonnes œuvres aux ennemis de l'islam, aux kuffars, ainsi de suite. Donc parfois ça peut être pour quoi? insister, confirmer l'attachement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un contraire du défaitisme. Tout ça, ça peut être des masalih amma qui justifient de montrer une bonne œuvre, mais ce n'est pas la règle. لقبح ونهيه عن ذلك تأديب لقبح مدح الإنسان نفسه عقلا وشرعا. Il dit aussi à notre alim ici que faire le self-praise, faire mes propres louanges à moi, c'est quelque chose qui est répugnante, que ce soit dans la religion ou dans la raison et dans l'éthique en général. C'est pour ça il dit ici ولهذا قيل لحكيم. On a demandé à un hakim, personne sage, c'est pas un homme qui s'appelle Hakim, quelqu'un de sage, personne de sagesse. On lui a dit ma alladhi yahsunu wa in kana haqqan. Dis-nous, est-ce qu'il y a une chose, ma alladhi la yahsunu wa in kana haqqan, est-ce qu'il y a une chose qui est répugnante même si elle est justifiée et vraie? Il a dit oui, madhul insani nafsahu, c'est le fait de se faire ses propres, de faire ses propres louanges. Faire ses propres louanges, ça peut être, ça peut référer à une vérité. Si quelqu'un dit « moi, je suis quelqu'un de très généreux », est-ce qu'il se peut que ce soit vrai? Oui, peut-être, il est vraiment très généreux. Est-ce que c'est répugnant que quelqu'un va dire aux gens « moi, je suis très généreux », comme ça, très généreux. Même « aqlan » dans la raison et dans les sentiments, éthiquement, c'est quelque chose de répugnant, même si c'est quelque chose de... de vrai, c'est clair. فلا تزكوا أنفسكم إشارة إلى وجوب الخوف من العاقبة أي لا تقطعوا بخلاصكم أيها المؤمنون فإن الله تعالى يعلم عاقبة من يكون على التقى. Aussi dans cette ayah, il y a l'obligation de faire attention à notre sort final. Tous les salafs, sans exception, ils craignaient quoi? Sou'ul khatima, la mauvaise fin, qu'ils finissent comme des mauvaise personne. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, il dit subhanahu wa ta'ala huwa a'lamu biman ittaqa la taqta'u, ne soyez pas certain de votre sort, ne soyez pas certain que je vais être sauf yawm al-qiyamah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais avoir al-jannah. Personne ne devrait dire une telle chose. In qala qa'ilun alaysa Allah ta'ala yaqulu qad aflaha man zakkaha. Donc là, il y a une chose qui pourrait porter à confusion si on ne fait pas attention aux détails des sens. Quelqu'un pourrait dire, Allah Ta'ala, il dit, فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ. Et dans une autre ayah, Allah Azza wa Jalla, il dit que c'est bien de faire sa propre تَزْكِيَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَ dans surat Al-Shams. Là, les deux sens sont complètement différents. Même si, encore une fois, la racine du verbe, elle est la même, mais les deux sens sont complètement différents. قد أفلح من زكاها أي من عمل عملا تزكو به نفسه. Allah Ta'ala il aime qu'on fasse notre propre tazkiya, ça veut dire la tazkiya par les bonnes œuvres pour purifier nos âmes. Ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala il veut, c'est qu'on purifie nos âmes. Donc la tazkiya peut faire référence à ici la tazkiya peut faire référence au fait de faire les louanges ça veut dire je purifie mon image moi je suis quelqu'un de très bien tazkiya, je purifie mon image je suis en train de défendre mon image je projette une image très pure ça Allah Ta'ala il n'aime pas ça subhanahu wa ta'ala la tazkiya qui est de travailler sur nous-mêmes, sur notre iman, de purifier notre foi, notre personne, des mauvaises habitudes, des mauvais caractères, des mauvais akhlaq, des mauvaises œuvres, des mauvais sentiments, de tout ce qui est haram, de ce qu'Allah Azza wa Jalla n'aime pas, et aussi de faire les bonnes œuvres pour que le iman soit plus pur, le cœur devienne plus fort. C'est ça la tazkiya que Allah Azza wa Jalla il aime. Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man زكاها فلا معارضة بين الآيتين في هذه الآية أيضا aussi dans cette آية très important ici رد على أولئك الصوفية الذين يدعون أنهم أئمة ويزكون أنفسهم يقولون وصلنا إلى حد لا تلزمنا الطاعة وصلنا إلى عالم الملكوت فليس علينا صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا يحرم علينا شيء. Que dans cette ayah aussi, il y a une réplique à certains soufis, comme on l'a déjà expliqué avant cela, pas à tous, mais ceux qui prétendent que nous on est des awliya d'Allah Ta'ala, qui se nomment, moi je suis wali d'Allah, je suis un saint, quelqu'un de, un allié d'Allah Azza wa Jal, je suis arrivé à un certain seuil où j'ai atteint un état quasiment angélique et je n'ai pas à faire la salat, ni la sadaqa, ni le siyam, je peux faire ce que je veux, il n'y a plus de haram pour moi parce que moi j'ai dépassé ce niveau. D'autant ici que même les anges doivent faire la ibada d'Allah Azza wa Jal. Même les malaïkas doivent faire la ibada d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit « Wa ha'ula'i munsalikhuna min ad-dini insilakhan tamman » Ça c'est des gens qui sont complètement sortis de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa lidhalika ha'ula'i alladhina yuzakkuna anfusahum hum ab'adu an-nasi 'an az-zakat li'annahum u'jibu bi'amalihim » وَأَدَلُّ بِأَعْمَالِهِمْ وَأَدَلُّ بِهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Ça c'est parmi les gens les plus sales, tellement ils ont fait la tazkiyah de eux-mêmes, ils ont prétendu être des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ce sont des gens propres. وَأَدَلُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Ils sont en train de dire, ya Allah, regarde, on t'a fait beaucoup de bien nous, c'est clair. On appelle ce qu'on dit يُدِلُّ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. C'est lui qui dit, ya Allah, moi je t'ai fait beaucoup de bien. عِيَادَ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Même s'il ne le dit pas par sa langue, يَقُولُ ذَلِكَ بِحَالِ بِلِسَانِ الْحَالِ. Avec son état. Parfois on dit quelque chose avec la langue, parfois on dit la chose avec le cœur. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il dit, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ كَأَنَّهُ يَقُولُ لِمَاذَا تُزَكُّونَ أَنفُسَكُمْ أَتُرِيدُونَ أَن تُعْلِمُوا اللَّهَ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Voulez-vous dire à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous faites? Ne dites pas ça, c'est Allah qui sait ce qui les gens de At-Taqwa. طيب, ici un dernier point quasiment, oui, un dernier point avant de passer à la prochaine ayah, inshallah. أَمَّا التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدِ. Maintenant, il y a une autre chose qui est différente. Parler des bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلِ إِنَّهُ كَانَ مُسْرِفًا عَلَى أَنفُسِهِ مُنْحَرِفًا فَهَدَاهُ اللَّهُ وَوَفَّقَهُ وَلَزِمَ الْإِسْتِقَامَةَ تَحَدُّثًا بِنِعْمَةِ اللَّهِ لَا لِتَزْكِيَةِ نَفْسِهِ. Si quelqu'un dit, moi j'étais quelqu'un de très corrompu, j'étais une très mauvaise personne, Allah Ta'ala, alhamdoulilah, il m'a guidé, il a fait de moi une meilleure personne. Je fais beaucoup de bien, alhamdoulilah, maintenant, c'est Allah Ta'ala qui m'a guidé. Si l'intention derrière cela, c'est de parler des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Donc il y a une différence ici entre celui qui parle de lui. Le centre du message, c'est quoi? Moi. Je suis là pour vous parler de moi. Ça c'est فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ. Et entre celui qui parle et que le centre du message, c'est les actions d'Allah Azza wa Jalla, la ni'ma d'Allah Ta'ala. C'est pour faire valoir que Allah Ta'ala, c'est lui qui guide et que Allah Subhanahu wa Ta'ala, il est bienfaisant et que si ce n'était pas que Allah Ta'ala, il m'a guidé, je serais une très mauvaise personne aujourd'hui. فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. Il n'y a pas de mal dans cela. Et encore une fois, ça c'est le genre de choses où on revient toujours au grand principe, innamal a'malu bi an-niyyat, que les actions séparent les niyyat par les intentions. Est-ce que c'est clair? Avant de passer à la prochaine ayah, il y avait tout à l'heure une ou des questions. Il n'y a pas de questions sur le sens ici de tazkiyah et ainsi de suite. Taï. On passe maintenant à la ayah numéro 33. Donc là, ça passe à un autre groupe de ayat. C'est un autre contexte maintenant. Allah Azza wa Jal, il dit « أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّا. أَفَرَأَيْتَ. As-tu vu celui qui s'est détourné ?» أَفَرَأَيْتَ. Question. Cette question, ça se répète souvent dans le Coran. أَرَأَيْتَ. أَفَرَأَيْتَ. As-tu vu ? C'est pour porter l'attention sur quelqu'un. Parfois, comme on l'a dit, la question, ça porte un peu le sens aussi du blâme sur cette personne. Celui qui s'est détourné. Alors, لما بين الله عز وجل جهل المشركين في عبادة الأصنام ذكر واحدا منهم معينا بسوء فعله فرأيت يا محمد الذي أعطى الذي أعرض عن الحق. Une fois que Allah Ta'ala avance cela, donc là ça va revenir aux mushrikin. Il y avait deux ayats presque qui parlaient sur les croyants, les muhsinin. Là ça va revenir aux mushrikin, les amis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas mal jusqu'à la fin de la sourate. Avant ça, Allah Ta'ala, il a dit quoi, subhanahu wa ta'ala, فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. N'accorde pas trop d'importance à celui qui s'est détourné de notre dhikri, qui ne veut que la dunya. Ici, dans cette ayat 33, ça dit, as-tu vu celui qui s'est détourné? Donc là, certains ulama, ils ont dit la différence, c'est que maintenant, ayat 33, ça parle d'une personne en particulier, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait. Allah Ta'ala ne l'a pas nommé ici dans cette sourate. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'identifiait. Il savait de qui ça parlait exactement. Numéro 34, après ça, وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى, celui qui a donné peu et qui a finalement cessé de donner par la suite. Alors, a'ta, c'est donner. On connaît tout ça, c'est assez connu comme verbe ici. A'ta, yu'ti, il a donné. A'ta qalilan, il a donné peu. Wa akda, après ça, il a akda. Donc là, c'est un verbe moins connu. On s'entend là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire akda? Ils disent aymana'a wa anqata'a. Ça veut dire il a arrêté, il a cessé. Asluhu, regardez toujours la beauté de cette langue, la langue arabe, miracle de partout. C'est pour ça que cette langue-là, Allah Ta'ala l'a choisi pour la langue arabe, le Coran, qui est la meilleure de sa parole, subhanahu wa ta'ala, le dernier de ses livres. Asluhu min al-kudya, wa hiya min ma saluba mina al-ard. Yuqalu liman hafara bi'ran, thumma balaga ila hajarin, la yatahayya'u lahu fihi hafrun, qad akda. Donc ils disent, ça vient du mot kudya. C'est quoi kudya? Ils disent, c'est lorsque la terre, elle est dure comme par des roches ou autre chose. Alors ils disent, lorsque quelqu'un veut creuser, veut faire un puits, veut creuser comme ça, il commence à creuser. Après ça, à un certain moment donné, il arrive à un point où il ne peut plus creuser. C'est trop dur, il y a des roches ou autre chose. On va dire, akda. Il va s'arrêter là, ça s'arrête. Là, ça, c'est fini. Imtana. Il ne va plus continuer à creuser. فَشُبِّهَ الرَّجُلُ إِذَا أَعْطَى يَسِيرًا ثُمَّ قَطَعَ بِالْحَافِرِ يَحْفِرُ فَيُكْدِي فَيُمْسِكُ عَنِ الْحَفْرِ. Donc l'analogie ici de celui qui a donné un peu, après ça il s'est arrêté, de celui qui commence à creuser, après ça dit, ah, il y a quelque chose qui m'arrête, je ne continue plus. C'est clair. قَالَ ابْنُ عَاشُورِ اتَّفَقَ الْمُفَسِّرُونَ وَالرُّوَاتَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا مُعَيَّنٌ. Donc Ibn Ashur, il dit que les savants sont tous d'accord que cette ayah, elle parle d'une personne en particulier, même si dans les livres de tafsir, il y a certains noms qui sont lancés, s'accordent pas sur c'est qui cette personne. Peu importe, Allah Ta'ala n'a pas cité son nom, ça parle d'une personne, mais l'imam Tabari, rahimahullah ta'ala, il nous mentionne un contexte très intéressant qui va nous aider à comprendre les ayats qui vont venir après ça. ذكر أن الآية نزلت في الوليد ابن المغيرة. Il dit qu'il a été rapporté que cette ayah parle de l'histoire de الوليد ابن المغيرة. On sait que الوليد ابن المغيرة c'est l'un des ennemis du prophète محمد عليه الصلاة والسلام. من أجل أنه عاتبه بعض المشركين وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه. Donc الوليد ابن المغيرة temporairement comme ça, il a été rapporté qu'il a suivi le prophète صلى الله عليه وسلم pour une courte période. Là, Al-Walid ibn al-Mughira, quelqu'un d'important dans Quraysh, il va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pas bien pour Quraysh, je suis Mecca, pour les mouchidikis. Alors, l'une des personnes qui connaissent Al-Walid ibn al-Mughira, il est venu pour le blâmer, pour le reprocher. Pourquoi tu suis la religion de Muhammad? On dit sallallahu alayhi wa sallam. قال فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الآخرة. Il a dit, regarde, si je te paye, je te donne un peu de ma fortune. Donc ça, c'est évident que le deuxième était plus fortuné que Walid ibn al-Mughira. Il dit, si je te donne un peu, une part de ma richesse, je vais t'aider financièrement, je te donne l'argent et tu vas laisser la religion de Muhammad, tu vas quitter sa religion Et moi, je vais porter tes péchés et tes actions le jour du jugement dernier. Tu n'as pas à t'inquiéter. T'aimes le deal? Tu gagnes l'argent, tu reviens dans notre religion et tes actions, si tu as peur de tes péchés et tout, je vais les prendre moi le jour du jugement dernier. Moi, j'accepte d'être puni à ta place. Il a dit, j'accepte. ففعل فأعطى الذي عاتبه على ذلك بعض ما كان ضمن له ثم بخل ومنعه تمام ما ضمن له. Une fois qu'il a accepté cela, ce deuxième homme fortuné, il a donné une part de ce qu'il avait promis. Après ça, il est devenu quoi? Trop stingy pour donner le reste. Bakhila, il a dit, c'est suffisant. Le reste, c'est les péchés que je vais porter à ta place. Alors, c'est pour ça ici, Allah Ta'ala dit quoi? وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى. C'est détourné et aussi, il a donné un peu après ça. Donc là, soit ça parle de l'autre qui a donné l'argent ou ça parle de lui qui a un peu suivi la religion mais qui a après ça, quoi, il est revenu en arrière. C'est pour ça ici les paroles de Mufassirin, Al-Dhahak, il dit « A'ta qalilan min malihi thumma mana » Il a donné un peu de son argent, après ça, il s'est retenu de donner plus. « وَقَالَ مُقَاتِلٌ أَعْطَى قَلِيلًا مِنَ الْخَيْرِ بِلِسَانِهِ ثُمَّ قَطَى » Il a donné un peu de bien avec sa langue, après ça, il a cessé. Ça veut dire ici, si ça parlait de Al-Walid ibn al-Mughira, il a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam un peu avec ses paroles. Après ça, quoi? Il a dit non, c'est bon. Et il est revenu en arrière. وَقَالَ مُجَاهِدٌ أَعْطَى قَلِيلًا مِنْ نَفْسِهِ بِالِاسْتِمَاعِ ثُمَّ أَكْدَى بِالِنْقِطَاعِ. Il a donné un peu de sa personne au prophète sallallahu alayhi wa sallam en écoutant un peu le Coran, un peu la guider. Après, il a dit non, c'est bon. Il y a des gens qui sont comme ça. Il a un petit intérêt temporaire pour la religion, pour Ad-Din. Ouais, je vais entendre, je vais apprendre c'est quoi Ad-Din. Ça, il va attendre. Ok, c'est bon. J'ai autre chose à faire dans la vie. Et, أَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَطَاعَ قَلِيلًا ثُمَّ عَصَى. Il a obéi un peu. Après ça, il a désobéi. Il est revenu vers le chemin de la désobéissance. Donc, en général, أَعْطَى قَلِيلًا مِنَ الْخَيْرِ ثُمَّ قَطَعَ عَنْهُ. Donc, le sens général qui ressort de tout ça, c'est que cette personne-là, Allah Ta'ala nous parle de quelqu'un qui a fait un peu de bien, puis après ça, il a délaissé et il est parti. Est-ce que ça, c'est bien? Celui qui fait un peu de bien, après ça, qui laisse tomber et qui part? Non. لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Comme Allah Azza wa Jal, il dit, subhanahu wa ta'ala, donc ça, ce n'est pas bien. Celui qui commence les bonnes œuvres un peu, après ça, il dit, ok, on arrête, on passe à autre chose. La ayah numéro 35, donc tout ça c'est dans le même contexte, ça continue, donc là c'est des courtes ayats. « A'indahu ilmu al-ghayb fahuwa yara » A-t-il la connaissance, al-ilm, de al-ghayb, du monde de l'invisible, « fahuwa yara » et qu'il est capable de voir? Ça serait intéressant si quelqu'un après le cours, Inch'Allah, dans les jours qui suivent, si quelqu'un va prendre comme petit projet comme ça, de regarder dans Surat al-Najm, quels sont les mots et les concepts qui reviennent très souvent. On remarque qu'il y a des mots qui reviennent très souvent, même dans un contexte différent. Comme quoi? As-tu vu? Ara'ayta. Fahuwa yara, ici, ayat 35. Au début de la sourate, qu'est-ce qu'on avait à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Isra ou al-Mi'raj. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Il a vu des signes d'Allah Ta'ala les plus grands. On a aussi le mot quoi? Al-Hawa. Hawa, ça s'est répété plusieurs fois. On a ici quoi? العلم علم يعلم إن ربك هو أعلم. La connaissance, le concept de la connaissance, ça vient, ça se répète beaucoup dans cette sourate, la sourate An-Najm. Alors Allah Azza wa Jalla, il dit أعنده علم الغيب فهو يرى. A-t-il la science de الغيب? الغيب, c'est le monde, comme on dit toujours, de l'invisible, le monde qui est absent de nous. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir. عنده علم ما غاب عن الناس فهو يرى. Cet homme-là a-t-il la science de ce que les autres ne peuvent pas voir, et de ce fait, lui, il peut voir ce que les autres ne peuvent pas voir? Non. الآية تدل على أن سبب النزول لا يخلو من إعطاء شيء في مقابلة تحمل الذنوب عمن أعطى. Donc ici, Al-Shinqiti, rahimahullah, il explique la ayah, les ayats selon le contexte et selon aussi le contexte de révélation. Il dit le sens général qui ressort de ça, ça nous parle de quelqu'un qui a donné quelque chose en retour de porter les péchés d'autrui. عمن أعطى لأن فاعل ذلك ليس عنده علم الغيب فيعلم به أن الذي ضمن له تحمل ذنوبه يفعل ذلك. Donc là, si je prétends que cette personne va porter mes péchés yawm al-qiyama, le jour du jugement dernier. Donc là, remarquez bien, ce point est très important. Ça, c'est le point central, ok? Le point de quelqu'un va porter mes péchés à ma place, il m'a promis, je peux faire ce que je veux, je peux quitter la religion, je peux revenir en arrière, être avec lui, mes péchés, il va les porter à ma place. Je me base sur quoi exactement? Est-ce que moi, je peux voir le ghaib, l'invisible auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que j'ai vu que oh, c'est garanti, c'est bon. J'ai déjà vu qu'il va porter mes péchés. Non, je n'ai pas accès à ça. Ou sinon, là, numéro 36, « Am lam yunabba' bima fi suhufi Musa » ou « N'a-t-il pas été informé de ce qui est dans les écrits, les livres » les suhuf, comment il traduit ici là, les suhuf, dans les feuilles, ok, dans les feuilles de Moussa, alayhi salam. Donc suhuf Moussa, alayhi salam, c'est parmi la révélation que Allah Ta'ala a donné à Moussa, alayhi salam. Allah Azza wa Jalla a donné à Moussa, alayhi salam, des suhuf, des écrits, des feuilles qui contenaient la révélation, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. لما كان هذا الذي تولى قد يظن أن عمل غيره ينفعه. قال الله تعالى أم لم ينبأ أي لم يخبر. Donc ici le verbe qui est utilisé c'est ينبأ, ça vient de النبأ. النبأ c'est quoi? C'est الخبر ذو الفائدة العظيمة. C'est une information, mais pas n'importe quelle information, c'est une information qui est critique, qui est d'une grande importance. Une petite information n'est pas combien de table ou de chaise y a-t-il dans cette salle? La réponse à cette question ne s'appelle pas un naba. C'est pas si critique, c'est pas si important que ça. Mais un naba, c'est les informations très importantes. Comme Allah Azza wa Jalla dit, « Ya ayyuhal ladina amanu, in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu. » Qu'on doit clarifier l'information qu'on va recevoir d'un fasiq. Fasiq huwa al-kadhib, d'un menteur. Mais là, Allah Ta'ala nous parle d'un naba. Donc, si quelqu'un qui est un menteur, il est connu pour le mensonge. Si lui, il me dit dans cette salle, il y a 49 tables. Et que je prends cette information de lui, je l'accepte, je ne suis pas nécessairement blâmable. Même s'il est un menteur. Le nombre de tables n'est pas critique dans cette salle. C'est clair, peut-être c'est 48 ou 50. Mais s'il m'amène une information importante, naba, là je dois vérifier. Fatabayyanu, il faut aller vérifier avant de le croire sur parole. Alors Allah Azza wa Jalla, il dit ici, am lam yunabba bima fi suhufi Musa, et en passant il dit ici, encore une fois, les racines dans la langue arabe, aslu naba al-ityanu min makanin ila makan, wal khabaru ya'ti min makanin ila makan. Le mot naba dans la langue arabe, sa racine, c'est lorsque quelque chose se déplace d'un lieu vers un autre lieu. Et al-khabar, l'information, c'est quoi? Quelque chose qui se déplace d'un lieu vers un autre lieu, d'une personne vers... Comme dans l'histoire de Suleyman, qu'est-ce que le Hudhud il a dit? « Waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin » Je suis venu de Saba au Yémen, je t'ai amené un naba qui est certain. Donc là, c'est une information qui est transmise d'une place vers à une autre place. Am lam yukhbar hadha al-kafir bima fi at-tawrat allati anzalahu anzalaha Allah 'azza wa jalla 'ala Musa Ce kafir qui pense que quelqu'un d'autre va porter ses péchés à sa place, n'a-t-il pas été informé de ce qui est dans At-Tawrat, dans les feuilles de Moussa alayhi salam? Qu'est-ce qui est dans les Tawrat? On va le voir, inshallah. Mais ici, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous dit que هذا يقتضي أن المنبأ بذلك يجب عليه التصديق به والإيمان به. Le fait de recevoir un naba' qui vient d'un prophète, qu'est-ce que ça implique? Le devoir d'y croire et d'y adhérer. Toujours comme on dit ici, al-ilm dans l'islam, quand on apprend al-ilm dans l'islam, c'est pas pour la culture générale. Je peux regarder un documentaire sur les types de farine, quelque chose pour laquelle je n'ai aucun intérêt. Je regarde le documentaire, je suis en train d'apprendre des choses intéressantes, mais ça ne veut pas dire que j'ai une obligation ici quoi, d'y adhérer, d'avoir une croyance, une foi. Dans la révélation, le wahy, ce n'est pas la même chose. Quand on reçoit une information de l'wahy, ça implique l'obligation de quoi? Que ça fasse partie de notre iman, maintenant, de notre foi. Wa Ibrahim alladhi waffa, ayat numéro 37, et aussi dans les feuilles de Ibrahim alayhi salam, prophète Abraham. Donc là, Allah Ta'ala, il a mentionné deux parmi les cinq meilleurs messagers. Le deuxième, c'est Ibrahim alayhi salam. الذي وفى celui qui a وفى c'est quoi وفى اي اكمل واتم ما يجب لله تعالى عليه بالطاعه والصبر. Le mot وفى ici, ça vient de l'accomplissement, réfère à un certain accomplissement. Alors pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jalla, il a décrit Ibrahim alayhi salam que c'est lui qui a accompli? Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli ce que Allah Ta'ala a rendu obligatoire sur lui. Il l'a accompli par l'obéissance et par la patience. بِطَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَأَكْمَلَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْئًا. Ibrahim alayhi salam, c'est comme ça qu'il est décrit dans le Coran. C'est quelqu'un qui a accompli les ordres d'Allah Azza wa Jalla. Les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a respectés. Un après l'autre, il a tout fait ce que Allah Azza wa Jal, il lui a demandé de faire. Comme dans sourate Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, il dit « Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna » Et lorsque Allah Ta'ala, il a éprouvé Ibrahim alayhi salam par des paroles. Ces paroles, c'était des commandements d'Allah Azza wa Jal. Et que Ibrahim les a accompli. Ibrahim alayhi salam a accompli les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les commandements d'Allah azza wa jalla. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna hadha la fi as-suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Musa, que ça c'est dans sourate Al-A'la. Allah ta'ala il nous parle que telle et telle et telle chose, tout ça c'est dans les écrits, les feuilles de des premiers qui sont les feuilles de Ibrahim et de Moussa alayhi salam. Donc on voit ici dans sourate Al-Najm ainsi que dans sourate Al-A'la qu'il y a un lien étroit entre le message de Moussa alayhi salam et le message de Ibrahim alayhi salam. Et هذا فيه تأكيد ترابط الكتب السماوية. Si l'emphase il est fait sur le lien, l'homogénéité entre les révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala aux différents prophètes, que ça ne venait pas avec des contradictions. Non, ça se confirmait de façon mutuelle. Taïb, c'est quoi? Qu'est-ce qui était dans les suhuf, dans les feuilles d'Ibrahim et de Moussa alayhi salam? En gros, comme ça, de façon sommaire, après ça, on va détailler dans les ayats, après, inshallah, de façon sommaire, c'est le concept que chacun est responsable pour soi. Chacun est responsable pour ses propres actions. Donc, celui qui prétend, il dit, l'autre, il va porter mes péchés, mes actions, yawm al-qiyama, est-ce qu'il voit, lui, le ghaib, l'invisible, il est parti pour vérifier, ça c'est confirmation auprès d'Allah Azza wa Jal, ou bien n'a-t-il pas été informé des messages avant lui? Donc là, ici, de façon implicite de l'ayah, on peut comprendre que ça c'était un principe connu, même chez les gens de al-jahiliyyah, parce que ça restait, quoi, il y a toujours des choses qui restent comme de nos jours, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont athées et tout, mais qui savent que dans la Bible, ça dit telle chose. Un principe comme ça de la religion, qu'ils le connaissent très bien. Même s'ils ne sont pas religieux, mais c'est comme ça. C'est ce que ça dit dans la Bible. Malgré qu'elle est muharrafa. Donc ces gens-là, les Arabes de l'Jahiliyyah, il y avait certains principes qu'ils connaissaient très bien. Que ça, c'est dans la religion de Moussa alayhi salam et dans la religion de Ibrahim alayhi salam. Entre autres, le principe que chacun est responsable pour soi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyam. Taïb, quelque chose de bien intéressant ici. Certains ulama, ils ont dit bayanu tawfiyatihi. Pourquoi est-ce que Allah ta'ala, lorsqu'il a parlé de Ibrahim alayhi salam, il a rappelé que Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Ibrahim alayhi salam? Il a accompli. Et aussi le mot ici, le verbe wafa, ça référence à, ça fait référence aussi à celui qui a tout respecté. Qu'est-ce qu'on dit? On dit al-wafa ou bi? C'est quoi l'expression en arabe? Al-wafa ou bi? Al-wa'd. Respecter son engagement, sa promesse. Je te promets quelque chose. Demain, je vais t'amener ça, inshallah. Demain, je t'amène cette chose. Qu'est-ce que on va dire de moi? Laqad wafa. Il a accompli. Il a respecté, fulfilled the promise. Il a rempli sa promesse. Donc là, les ulama, ils disent, Ibrahim alayhi salam, lam ya'had ahdan illa wafa bihi. Ibrahim alayhi salam, tout ce qu'il a promis, il l'a rempli. Au point de, lorsque même il a dit à son père, sa'astaghfiru laka rabbi, je vais demander le pardon d'Allah Ta'ala, de mon Seigneur pour toi. Sachant que son père, c'était quoi? Un mushrik, un polythéiste. Donc on n'a pas le droit de demander le pardon d'Allah Azza wa Jal pour un polythéiste. Exception pour Ibrahim alayhi salam, parce qu'il a donné sa promesse, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de concrétiser sa promesse. Parce qu'il est un prophète d'Allah. Il a dit à son père, je vais demander à Allah de te pardonner, je vais faire le istighfar pour toi. Et il l'a fait. Ça veut dire le wafa de Ibrahim alayhi salam va si loin que ça, même de faire le istighfar pour un mushrik, parce qu'il lui a déjà promis. Et malgré cela, لم يغفر الله له. Allah Ta'ala ne lui a pas pardonné. Même au point que Ibrahim alayhi salam ne peut pas servir à son propre père. Même en faisant le istighfar, il ne va pas le sauver يوم القيامة. فعلم أن ليس للإنسان إلا ما سعى. Et de ce fait, chacun est responsable pour soi. Tu es responsable pour toi-même. Oh toi, le kafir qui pense qu'un autre kafir va porter tes actions sur toi يوم القيامة, sur lui يوم القيامة, à ta place. Que ça, c'est complètement faux et c'est non fondé. Parce que même Ibrahim alayhi salam, il a accompli sa promesse, il a demandé le pardon d'Allah Azza wa Jal, mais pas plus que ça. Il ne peut pas porter le fardeau de son père et les actions de son père يوم القيامة. C'est pour ça ici, la ayah numéro 38, Allah Azza wa Jal, il dit أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Donc, à partir de cette ayah numéro 38, on commence à avoir ce qui est dans les livres de Ibrahim et de Moussa. Dans le message de Ibrahim et de Moussa, alayhim as-salam, qu'est-ce qu'il y avait? Numéro 1, il dit, subhanahu wa ta'ala, أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Donc, on a تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ. Trois mots qui se suivent, qui sont tous de la même racine. Wizrun, wazara. Alors c'est important ici de comprendre c'est quoi wazara. Yadullu ala al-thiqali fi shay. Cette racine-là, wazara, ça fait référence à quelque chose qui est lourd et qu'on va porter, qu'on porte. Al-wizru al-ithm wa al-thiqlu. C'est pour ça que al-wizr, mot important, vu qu'il est... En passant, les mots qui sont dans cette sourate de sourate Najm, même pour les personnes qui ne connaissent pas la langue arabe, je les écris en arabe. Je ne vais pas faire l'effort de les écrire comme ça en langue latine, parce que c'est très simple. Vous pouvez juste chercher un Coran qui est écrit en translittération comme ça, et vous allez trouver tous ces mots. Wizr. Wizr. Donc, ça c'est al-wizr. C'est quoi al-wizr? C'est le péché aussi. Al-wizr, c'est aussi un autre mot qui est utilisé dans le Coran pour faire référence à la désobéissance, au péché. Al-awzar. Mais la racine, l'idée derrière, comme on a dit, c'est quoi? Quelque chose de lourd. Porter quelque chose de lourd. Parce que al-wizr, c'est quelque chose de lourd. Un péché, c'est une responsabilité, c'est un blâme, c'est une punition potentielle. Yawma al-qiyama. Personne qui veut venir yawma al-qiyama avec, en portant des mauvaises actions sur son dos. Oui, Harry. Je ne sais pas, Allahu a'lam. Les deux font référence à la même chose. On connaît la règle générale dans la langue arabe, c'est que parfois une chose a plusieurs noms, la même chose a plusieurs noms, mais que chaque nom fait référence à un attribut particulier de la chose. Mais la différence spécifique, ça, je ne sais pas, Allahu a'lam. أي لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى ولا تؤخذ نفس بذنب غيرها. Donc là, c'est quoi le sens de لا تزر وازرة وزر أخرى. وازرة, dans ce contexte, ça fait référence à une âme. Que nulle âme ne porte le fardeau et le péché d'une autre âme. لا تزر, أي لا تحمل, elle ne porte pas. وازرة, une âme porteuse, ne porterait pas le poids et les péchés de quelqu'un d'autre. Personne qui portera le fardeau d'une autre personne, yawma al-qiyama. Bal kullu insanin yujaza bi'amalihi. Chacun sera responsable de ses propres péchés. Et ça, il y a d'autres ayats dans le Coran qui vont dans le même sens. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Ça c'est dans surat Al-An'am. Donc c'est le même principe qui est établi. Dans surat Al-Isra, Allah azza wa jal, il dit مَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Celui qui cherche la guider, eh bien il sera guidé pour soi-même. Celui qui s'égare, il sera égaré sur soi-même et personne ne portera le fardeau de quelqu'un d'autre. Dans surat Fatir, Allah Ta'ala, il dit وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Même une personne qui fait partie de nos proches, même tes propres enfants, tu ne pourras pas porter leur fardeau. Tes propres parents, personne qui porte le fardeau de quelqu'un d'autre. طيب. La question ici, quelqu'un va dire, mais on sait qu'en islam, si quelqu'un encourage les autres à faire le mal, qu'est-ce qui lui arrive? Si quelqu'un encourage d'autres personnes à commettre un crime, et ils vont finir par le commettre, qu'est-ce qui va arriver à cette personne? Elle portera un péché aussi. Donc quelqu'un va dire, mais ça ne va pas ici à l'encontre de ce principe de la personne qui porte le fardeau d'autrui. Les ulama, ils disent non. لأن الحقيقة أن هذا لا يتحمل وزر غيره لأن غيره قد وزر وأثم لكن هو تحمل إثم السنة السيئة والبدء بالشر فيكون حقيقة أنه لم يوزر وزر غيره ولكنه وزر بوزر نفسه. Alors ils disent non. Même cette personne, au fait, elle ne porte que le fardeau de sang de sa propre action. Il porte le fardeau, la responsabilité de ce qu'il a encouragé les autres à faire. C'est pas quelqu'un d'autre qui les a encouragés à faire le crime, c'est lui qui les a encouragés à faire le crime. Donc de ce fait, la punition, même si elle est multiple, ici plus grande, mais c'est causé par sa propre action, sa propre initiative, c'est son propre péché de un. De deux, il va pas venir prendre le fardeau du dos des autres. Non, le criminel, celui qui a commis le crime ou le haram, lui, il garde son propre fardeau. C'est pas ici un échange. C'est pas, vu que c'est moi qui t'ai encouragé, donne-moi le fardeau, c'est moi qui sera puni à ta place. Non. Moi, je t'ai encouragé, toi, tu as fait le mal, toi, tu seras puni pour ton mal, tu portes ton propre fardeau. Mais moi, je risque d'être punis encore plus sévèrement parce que c'est moi qui t'a encouragé, c'est qui t'a incité. Oui. Ça vient juste après, Inch'Allah. Ça va nous parler de la ayah sur les parents. Non. والآية لا تدل على عدم الحمل عن الوزارة وهذا لا يلزم منه بقاء الوزر عليها من ضرورة اللفظ لجواز أن يسقط عنها ويمحو الله ذلك الوزر. Aussi, Allah Ta'ala, lorsqu'il dit, n'a pas dit subhanahu wa ta'ala, chacun portera son fardeau. Allah, il a dit quoi? Il n'y a personne qui porte le fardeau d'autrui. Parce que même pour son propre fardeau, il se peut qu'Allah Ta'ala, il pardonne et qu'il y a des gens qui ne vont pas porter leur propre fardeau. Allah Azza wa Jal leur pardonnera, ils ne vont pas porter leur péché. C'est clair? Ça ne dit pas que chacun va porter ses péchés yawm al-qiyama. Non, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas porter leur péché, Allah Ta'ala leur pardonnera. Ayat numéro 39, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » Et qu'en vérité, l'homme, l'être humain, n'obtient et ne lui appartient que ce qu'il a développé, ce qu'il a généré, ce qu'il a fait. « إِلَّا مَا سَعَى » C'est ça la garantie. Donc, ليس للمرء في الآخرة إلا ما عمله في الدنيا. Le sens ici général de la ayah avant d'entrer dans les détails, c'est que chaque personne n'aura dans la akhira que les conséquences de ce qu'elle a fait dans الدنيا. إن سعى في الخير يلقى الخير. Celui qui a œuvré dans le bien va trouver le bien. إن سعى في الشر يلقى الشر. Celui qui a œuvré dans le mal va retrouver le mal. وَكَمَا لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ وِزْرُ غَيْرِهِ كَذَلِكَ لَا يُحَصِّلُ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا مَا كَسَبَهُ وَلِنَفْسِهِ. Tout comme la personne ne porte pas le fardeau d'autrui, elle ne peut pas s'attendre à porter les initiatives des autres. Il n'aura que ses propres initiatives, ses propres bonnes œuvres. Quelqu'un dit, mon grand-père, c'était quelqu'un de très pieux. Je ne m'inquiète pas auprès d'Allah Ta'ala, je suis son petit-fils. Quelqu'un dit, moi, je fais partie de la descendance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je serai sauvé yawm al-qiyama. Non, non, non. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait la da'wa au tout début de l'islam, il s'adressait à sa famille et tout, après ça à ses proches, après ça il s'est adressé à qui? Ya Fatima binta Muhammad. Oh Fatima, la fille de Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar. Sauf ta propre peau de l'enfer, la ughni anki min Allahi shay'a. Je n'y peux rien pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun, pour être sauvé, il faut l'initiative. Le compagnon qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai un souhait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, demande. Je vais te faire dua, je vais faire dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce compagnon il avait dit, ya Rasulallah, j'ai besoin de payer ma dette, de rembourser ma dette. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il aurait demandé dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Hayyin, amr hayyin, facile, simple. La guérison, facile, simple. Mais là, il a dit, « Ya Rasulallah, as'aluka murafaqataka fil jannah. » Je veux être avec toi au paradis, fil jannah. C'est ça ce que j'aimerais que tu demandes à Allah. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit, « Je vais te faire dua. » Tu n'as pas à t'inquiéter. Il a dit, « A'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. » Aide-moi à concrétiser ton souhait. Aide-moi dans ça. Je le veux pour toi, mais aide-moi en multipliant les prosternations. Fais beaucoup de salats pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et moi, de ma part, je vais demander à Allah Ta'ala qu'il fasse de toi une personne qui sera avec moi fi al-jannah. Donc, laysa lil-insan illa ma sa'a. Mu'adh ibn Jabal ne peut pas être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi al-jannah s'il ne fait rien lui. Il faut juste attendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse dua pour lui. Alors, il dit ici, هذا خبر من الرسولين الكريمين إبراهيم وموسى عليهما السلام وهما خبران عامان والأخبار لا تنسخ ولا تختلف شرائع الأنبياء في الأخبار المجردة. Donc là la question de Rappelez-vous, on a parlé plusieurs fois de l'abrogation. Qui pourrait nous rappeler c'est quoi le sens de l'abrogation? Mise à jour, un changement dans la religion que Allah Ta'ala il révèle. Ça peut arriver dans la religion, dans le message d'un seul prophète, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'abrogation de la Qibla de Jérusalem, Baytul Maqdis vers Mecca, donc ça c'est un nasr. Ou ça peut, il peut avoir le nasr le plus évident, c'est entre les différents messagers. Notre pratique de l'islam, dans les détails, c'est pas mal éloigné de la pratique que Moussa alayhi wa sallam demandait à Banu Israël, vous avez beaucoup plus d'interdictions, de restrictions, et ainsi de suite. Mais les ulama, ils disent « Al-akhbar la yadkhuluha al-nasr ». Le factuel, comme on a dit hier dans la halaqa pour les personnes qui étaient avec nous, donc il y a la législation, al-insha, ahkam, et il y a l'akhbar, le factuel. Les instructions, c'est pas comme le factuel. Le factuel, c'est telle chose existe ou elle n'existe pas. La couleur de la salle, c'est noir. C'est vrai ou non? Non, mensonge. On appelle ça quoi? Akhbar. Ça, c'est les factuels. C'est soit vrai ou soit faux. Si c'est pas comme ça, ça veut dire... Si ça change, ça veut dire l'autre version n'était pas vraie. Vous comprenez? Les shara et législation, ça, c'est différent. Ça, c'est les instructions. Fais, ne fais pas. Priez vers Jérusalem, priez vers Mecca. Allah Ta'ala, il change les ahkam comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Azza wa Jalla ne change pas les informations qu'il nous donne sur le ghaib. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'avant, c'était faux. Donc, tout ce qui est factuel, le ghaib, les informations akhbar, ça ne change pas d'un prophète à un autre. Et de ce fait... Lorsque Allah Ta'ala, il a révélé à Ibrahim Moussa alayhi salam que nulle âme ne va porter le jour du jugement dernier le fardeau d'autrui et que chacun sera responsable pour ses propres actions, ça, ça ne change pas entre les prophètes. Ça, c'est dans le message de tous les prophètes. Ça continue dans le message du prophète Muhammad alayhi salatu wa السلام c'est pour ça il dit ici فهما آيتان محكمتان يقتضيهما عدل الرب سبحانه وتعالى والحكمة que ça c'est deux ayats, deux principes qui sont muhkam, univoques, indiscutables, inchangeables, pas d'exception à ça, parce que ça découle de la sagesse d'Allah Azza wa Jalla et de sa justice. Que le premier ici الأولى يقتضي أن لا يعاقب بجرم غيره. La première ayah, c'est que tu ne sois pas puni pour les erreurs d'une autre personne. Et la deuxième, le deuxième principe, c'est que annahu la yuflihu illa bi amalihi wa sa'ihi, que tu ne peux réussir que par tes propres initiatives, tes propres actions à toi. فالأولى تؤمن العبد من أخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا. La première, elle te sécurise que tu n'as pas à craindre d'être puni par Allah Azza wa Jalla pour les erreurs d'autres personnes, comme font les rois et les puissants de la dunya. Les puissants de la dunya, ils peuvent te punir pour l'erreur de ton voisin. Tout le quartier sera puni parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal. Mais ce n'est pas ma faute, non, tout le monde. Ça, c'est vol. Auprès d'Allah Ta'ala, tu n'as pas à craindre d'être puni pour ce que quelqu'un d'autre il a fait. Un proche, ton père, ta mère, tes enfants, tes voisins, ce n'est pas, c'est pas toi. C'est leurs actions, pas tes actions à toi. تقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه. Et le deuxième principe, c'est l'autre côté de la balance. C'est pour couper ton espoir vide de penser que tu vas réussir par les accomplissements des autres. Mon père, il a fait, mon grand-père, mon cheikh, je suis le fils de tel, je suis auprès d'Allah Ta'ala. Non, non. Mes actions. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'étais dans الدنيا. وهذا هو العدل الذي نزهه أو نزه الله نفسه عن خلافه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.